Sont consumés, l'aurore argente ses vitraux. Voici le jour. Hélas, le sommeil salutaire, le doux sommeil a fui pour jamais ma paupière. traïsos trame. On lui ravit sa gloire et sa femme.